Le monde, c'est nous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition, autre livraison d'appel sur le continent sur la télévision panafricaine. Aujourd'hui, nous parlons du Mali qui a bel et bien pour ambition d'éradiquer le terrorisme sur son territoire avec l'éviction de la France. Le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décidé donc d'élargir ses différents partenariats, notamment les partenariats du Mali avec d'autres pays, et donc afin de mettre donc à l'écart ce fléau, notamment le terrorisme qui gangrène au Mali depuis 2012, mais aussi dans la région du Sahel. Et donc des coopérations militaires ont été engagées avec plusieurs autres pays en dehors de la France, notamment la Russie, mais aussi la Chine. Et donc les militaires au pouvoir concernant la Chine ont réceptionné depuis le jeudi 27 avril dernier un rallo d'équipement militaire venant de la Chine, exclusivement acquis sur un budget militaire, selon le ministre de la Défense Sadio Camara, lors d'une cérémonie officielle au camp de Kati. Donc des matériaux ont été réceptionnés par l'armée malienne. Le Mali qui est donc en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et à une grave crise non seulement sécuritaire mais aussi politique et humanitaire. Et donc les militaires au pouvoir ont décidé de faire rupture avec la France et ses partenaires en 2022 et se sont retournés vers la Russie et désormais vers la Chine. Et donc plusieurs appareils ont été réceptionnés par l'armée malienne afin bien sûr de lutter contre le terrorisme. Et dans cette édition, nous reviendrons sur ce partenariat, notamment avec la Chine. Et puis, est-il un partenariat gagnant-gagnant? Nous aurons l'occasion d'en discuter avec les invités de cette édition d'appel sur le continent. Et nous reviendrons également sur la célébration de la fête nationale du côté de la Russie avec le président Vladimir Poutine qui a affirmé donc qu'une guerre a été lancée contre sa patrie, une guerre initiée par l'Occident et les États-Unis. Bonsoir une fois de plus, voilà qui fera l'objet du débat de ce jour. Alors comme invité, nous avons Issa Diawara à qui nous disons tout d'abord bonsoir Issa Diawara. Oui, bonsoir à vous madame. Je vois Taïfou de votre côté, il a une salutation. Bonsoir à tous vos invités. Bonsoir à toute l'équipe de la Foot Média et bonsoir au ministère de l'Afrique qui a très bien suivi dans ces moments. Je vous remercie pour l'honneur que vous faites de m'inviter. Alors, Taïfour Esmaïn est également de la partie avec lui. On parlera du Mali, mais aussi de la Russie avec la sortie de Vladimir Poutine à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce 9 mai, marquant la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. C'était en 1945. Bonsoir à vous, Taïfour Esmaïn. Bonsoir, madame. Merci de m'inviter. Je dis bonsoir particulièrement à Issa Diawara, mon ami, que j'estime beaucoup. Et je salue aussi vos téléspectateurs. Merci encore une fois. Alors, on commence tout d'abord par cette réception du côté du Mali. Issa Diawara, tout d'abord. Voilà, le Mali qui a réceptionné un important rallo d'équipement venant de la Chine. Et donc, il est composé de véhicules blindés et tactiques, des camions logistiques, des citernes à eau, citernes à carburant, camions d'allègement, ambulances médicalisées, armes individuelles et collectives, d'équipement individuel du combattant, selon bien sûr Sadio Camara. Alors, Issa Diawara, quelle analyse déjà vous faites de ce partenariat, notamment de la réception de ces équipements plus que importants pour bien sûr lutter contre le terrorisme du côté du Mali? Merci beaucoup, madame, pour cette question. L'analyse qu'il faut faire de ce partenariat du

donc à la force militaire malienne et aux autres pays aussi du Sahel. Donc ça leur donne une certaine autonomie pour mener leur propre guerre contre, avec efficacité bien sûr et détermination, contre les djihadistes. À savoir que la France, quand elle était là avec l'opération Barkhane, la France donc dominait tout, elle avait la main au-dessus de tout. Donc les Maliens, ils n'avaient pas vraiment droit au chapitre. Je parle, j'entends par là l'ancienne équipe qui n'avait pas du tout droit au chapitre, elle ne faisait que subir. Donc elle subissait quasiment la politique sécuritaire de la France, et ce qui a fait qu'il y a eu des défaillances, et ce qui a fait que, ma foi, ça n'a pas réussi, on le voit bien aujourd'hui. Maintenant, avec tous ces équipements et cette volonté, on va dire, affichée des uns et des autres, notamment du côté malien et dans une moindre mesure des autres pays, savoir la Russie et la Chine, on voit bien qu'il y a une détermination, que, ma foi, même si la lutte antiterroriste est une lutte de longue haleine, donc il faudrait beaucoup plus, donc on va dire, de patience pour pouvoir gagner ce pari. Ça a été le cas en Algérie, 10 ans quand même de violence en Algérie, et surtout qu'à l'époque, l'Algérie n'était pas aidée. L'URSS venait de tomber, et l'Algérie se retrouvait seule sur la scène donc sécuritaire. Ils avaient beaucoup de mal donc à convaincre leurs partenaires qu'il s'agissait donc d'un terrorisme plutôt que d'une opposition, parce qu'on a déjà toujours essayé de faire passer ces djihadistes pour des rebelles, comme il vient de dire tout à l'heure Issa Diawara, il a tout à fait raison de souligner, c'est pas des rebelles, c'est des terroristes, on peut pas les qualifier autrement. Moi qui suis algérien, je peux vous assurer que nous avons voté ça de plein fouet, et on sait très bien ce que ces groupes-là n'ont d'autre objectif que le cas où ils n'ont pas un objectif qui soit louable pour instaurer une démocratie ou une modernité dans un pays en dehors de ce qu'on appelle les interdits que ces groupes, justement, quand ils s'approprient un territoire donné, on l'a vu avec le Daesh, ce n'est que des interdits, que des tueries et que des sanctions, donc corporelles, et c'est ma foi, donc c'est le but justement de cette lutte, c'est d'enfuir avec cette sauvagerie. Et ce qui est en train de se passer, encore une fois, que ce soit au Mali ou dans tous les autres pays d'Afrique, il faudrait donc résolument se battre et surtout savoir nouer les alliances qu'il faut. Il nous rappelle aux téléspectateurs que les standards sont ouverts. Déjà un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir madame, bonsoir Afrique Media, bonsoir à tous vos invités. Nous saluons Monsieur Diawara, nous saluons l'autre frère qui est l'autre côté là-bas. Nous vous disons bonjour à tous. Bon, par rapport au Mali, et puis moi je vous sollicite d'intervenir par rapport justement les armes que le Mali continue à recevoir. Nous pensons que le Mali continue à recevoir des armes, mais il est temps maintenant le Mali de passer à une autre cap. C'est de fabriquer ses propres armes, de trouver déjà les moyens. Le fisc de fabriquer des balles, déjà des grenades et autres, parce qu'on ne peut pas continuer à compter sur les autres nations et continuer à nous armer en achetant. Il est temps maintenant de démonter toutes ces armes-là, de démonter pièce par pièce et les fabriquer au Mali, puisque nous avons toutes les matières premières pour pouvoir passer à autre chose. On est fatigué d'acheter des armes, on ne peut pas continuer à commander des balles de l'étranger, le Mali, le Burkina, doit déjà mettre une usine qui va les permettre au moins de fabriquer les fusils que le fusil. Il faut passer à autre chose, au fait. Le temps va, ça, le temps nous presse, au fait. Le Mali, le Burkina ne peut pas continuer à commander des armes sans penser déjà mettre une usine qui va les permettre eux-mêmes de fabriquer déjà. Nous avons les scientifiques, la jeunesse africaine, on instruit actuellement. On a besoin juste qu'on nous donne la possibilité de nous exprimer par rapport à ça. On ne peut pas continuer à compter sur les autres nations, acheter des armes. Mais maintenant, il est temps que nous, on en fabrique maintenant. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils n'ont pas plus de matières premières que nous, et ils ne sont que des êtres humains, ce ne sont pas des anges. Donc on peut faire mieux qu'eux. Donnez-nous le message Sini Koïta, donnez-nous les possibilités maintenant de mettre un embryon de fabrication des armes sur le continent africain. Faites-le entre le Mali et le Burkina. Vous sécurisez un endroit bien défini où les scientifiques peuvent se permettre de travailler. On a les grottes, on a tout ce qu'il faut pour mettre sous terre. Là, on peut fabriquer déjà des missiles, des armes, tout ce qu'il faut pour défendre l'État malien. Parce que imaginons que la Chine rentre en guerre avec les États-Unis et que la Russie également. Nous n'allons plus recevoir les armes de ceux-là. Puisqu'ils seront en guerre, ils ont besoin de plus des armes. Donc, il est temps maintenant qu'on nous profitons de ce moment-là de permettre à la jeunesse africaine. Nous sommes des scientifiques, nous sommes nombreux qui sont intelligents. Nous pouvons mettre quelque chose de sérieux et c'est très vite. parce que toutes les possibilités sont là. Il faut passer à autre chose. N'attendons plus rien de personne. Il faut que nous-mêmes, nous prenions responsabilité. Nous sommes jeunes, nous sommes intelligents, nous sommes instruits, nous pouvons faire mieux que ces gars-là. Donc, donnez-nous la possibilité de nous exprimer. Maintenant, excusez-moi, madame, juste une minute. Par rapport au Niger et le Burkina, le Niger continue, les terroristes continuent à attaquer le Burkina depuis le Niger et le Mali également. C'est de mettre une boulangerie sous le Niger. C'est de fermer les frontières entre le Niger et le Mali. Entre le Niger et le Burkina, on ferme le Niger. Je pense que quand la population, moi je suis du Niger, quand la population sera acculée, je pense qu'ils vont se lever pour chasser Bazoum. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser Bazoum amasser autant de militaires étrangers sur le territoire nigérien et qui sera un danger permanent pour le peuple malien et le peuple burkinabé. Je suis nigérien, mais je pense que nous pouvons aller à ça. On n'attend plus rien. Soit nous tous, on va disparaître tous ensemble, soit nous allons tous nous sauver ensemble. On n'a plus de personne. Moi, je suis nigérien, je suis malien, je suis burkinabé, je suis béninois, je suis africain tout court, mais mes origines sont nigériennes. Si le Niger ne fait pas la volonté du peuple africain, on met une boulangerie sous le Niger, on ferme les frontières, on ferme l'allée et venue de tous les Nigériens. Je pense que la population sera acculée. Ils vont se lever pour chasser ces terroristes qui sont au Niger. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à attendre. Qu'est-ce que nous attendons de Bazoum? Vous pensez que c'est en faisant la diplomatie avec le Bazoum que nous pourrons avancer? On ne peut rien avec eux. Ils sont déterminés. Ils sont déterminés, le peuple africain. Réveillons-nous. Mettons le blocus sous le Niger. Fermez toutes les portes sous le Niger. Soit Bazoum retire ses contingents sous le territoire nigérien. Soit les portes sont fermées. On passe à autre chose. On n'est plus là. Je vous jure que là où l'Afrique est arrivée, c'est pas une histoire de blague. Chaque Africain doit prendre ces choses au sérieux. On est menacé sérieusement. On met la blague. On est menacé sérieusement. On veut nous faire disparaître. Ils ont essayé depuis des siècles, depuis le temps de l'esclavagisme, de colonisation. Ils n'ont pas pu. Le moment est arrivé pour eux pour trouver le moyen de plus adéquat exterminer le peuple africain. Mettons-nous ensemble. On s'en fout des nationalités qu'on nous a imposées. Niger, c'est une imposition. Mali, tous ces noms-là. C'est les honneurs qu'on nous a imposés. Je pense que passons à autre chose. Monsieur Assini Kouata, Monsieur Ibrahim, permettez-nous de fabriquer des armes sur nos territoires pour nous défendre. Arrêtons d'acheter des fusils et des balles à l'extérieur. Nous pouvons le faire. Nous avons l'état chez nous, on peut le faire. Faites déjà une raffinerie de pétrole au Mali ou au Burkina. Faites déjà une raffinerie de pétrole. Passez déjà à ça. Merci beaucoup, Afrique Média. Que Dieu le Tout-Puissant veille sur l'Afrique Média. Que Dieu veille sur tous les peuples africains. Que la vie ou la mort nous vaincront. Merci, bonne soirée, madame. Que Dieu veille également sur vous. Merci de nous avoir appelés. On rappelle que les standards sont ouverts. Vous pouvez donc nous appeler pour participer à cette édition d'appel sur le continent où nous parlons des multiples alliances, ces alliances donc diversifiées entre le Mali et la Chine, sans oublier la Russie, en passant par la Turquie. Bonsoir à vous, cher monsieur. Ah, bonjour, madame. Bonjour. Je vous remercie beaucoup. Merci, Camille, de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à toute la jeunesse africaine. Il faudra dire à toute la jeunesse africaine que ce n'est pas le Mali qui est concerné, c'est toute l'Afrique. Donc nous devons, le Mali doit absolument augmenter les armes et ils auront plus de 500 000 volontaires. Nous ne sommes pas là pour regarder les Occidentaux là, ce qu'ils sont en train de nous montrer. Dire que, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Combien ils ont donné à l'Ukraine pour se défendre contre l'agression? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Mali? Et tout ça, l'Afrique ne comprend rien du tout. Ça suffit largement. Si les Africains veulent être cons, ils n'ont qu'à l'être. Et ils vont mourir comme ça. Et pourquoi pas aller aider la Russie? Les Occidentaux là ont provoqué cette guerre là. Et personne ne peut leur dire que ça c'est pas normal. Et parce qu'ils ont peur de mourir. Moi je suis prêt à mourir, je suis volontaire. Si les Maliens m'appellent, tout de suite je vais. Si les Russes m'appellent, tout de suite je vais. Parce qu'il faut leur dire la vérité, ces Occidentaux-là. Ils sont responsables de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on a peur de mourir. Biden, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on dise Biden Akbar, ou bien au nom du Père, de Biden et du Saint-Esprit. Il n'a qu'à aller là-bas. Et qui parle sanctions. Mais il n'a qu'à garder ses sanctions pour lui. Vous croyez que quelqu'un qui est mourant là a besoin de prendre les sanctions? Merci, je... Bon, ça suffit. Bon, ça... rapidement prendre un autre téléspectateur. Allô, bonsoir à vous, monsieur Lassi Bamba. Bonsoir, madame. Allez-y, on vous écoute. Je vous salue. Oui, vraiment, je vous salue personnellement tous les spectateurs, pour la petite média, tous les Africains et les... Tout à l'heure, mon frère qui est très intervenu tout à l'heure, là, je vais lui répondre un tout petit mot. Et ce qu'il disait, Africains sont déjà compris. C'est les dirigeants africains qui n'ont pas fait la confiance de la sécurité. C'est ça, elle nous honte. Les dirigeants africains n'ont jamais fait confiance à l'autorité. C'est nous, Rondon. Comment vous allez installer, étranger, base aérienne, base n'importe quoi dans votre sol, qui vont venir commander votre enfant, votre frère, dans votre pays? Vraiment, c'est nous, Rondon. Nous, population civile, on a compris, mais on n'a pas à moitié, j'ai à la moyen pour les pousser. Pour les pousser, si ils n'ont pas compris, j'ai valise. Tout sera avancé, le tour de ces dirigeants là, ils vont quitter. Je vous en suis. Ça veut dire que pour la prochaine, ils sont fatigués pour les mourir là. On est fatigués. Directement à notre téléspectateur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Adamo Moussa. Je vous appelle depuis Douala. Bon, il faudrait que les Africains sachent que le président Mohamed Bazoum est un légionnaire français. C'est un terroriste à la solde de la France qui travaille pour déstabiliser l'Afrique. Donc le président Goïta et le président Traoré doivent tout faire pour barricader la frontière entre le Niger, le Burkina et le Mali. Sinon, nous en Afrique centrale, ici, nous serons en danger. Avant de nous appeler, chers téléspectateurs, veuillez baisser complètement le volume de votre poste récepteur afin qu'on puisse véritablement écouter ce que vous avez à dire. Alors, notre auditeur au bout, notre téléspectateur au bout de la ligne, allô, bonsoir. Les soucis certainement de liaison, alors que les standards ils sont ouverts. Vous pouvez nous appeler donc pour participer à cette édition d'appel sur le continent, puisque nous parlons des relations diplomatiques entre le Mali et la Chine. Le Mali qui a donc reçu un important don de matériel d'équipement venant de la Chine. C'était donc le jeudi 27 avril dernier au niveau du camp de Cathy, alors que nous avons un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Je vous appelle du Bénin. Bon, je crois que nous devons lutter contre le Niger, quoi. Nous devons faire comme les Européens font contre la Russie pour pouvoir barrer la route au président nigérien, quoi. On va prendre rapidement un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'appelle depuis Douala. Je voudrais tout simplement dire que c'est regrettable pour tous nos chefs d'État. Parce que quelqu'un a parlé tout à l'heure du Mali. C'est pas seul le Mali qui a attaqué, c'est toute l'Afrique qui a attaqué. Par contre, les pères africains, c'est-à-dire les présidents africains, devraient s'inspirer du Mali. Regardez le centrafricain, comment il souffre tout seul dans la zone CEMAC. Personne ne lève le moindre doigt. Même le Cameroun, qui nous fait croire qu'il est grand et tout et tout. Vous trouvez, les présidents africains ne valent rien. Tous sont des valets. Quelqu'un parle de Bazoum. Il n'y a pas que Bazoum. tous. Regardez le Nigeria voisin, qui est un grand géant. Quelqu'un tout à l'heure, j'ai suivi votre émission, Nathalie Yam, qui posait la question de savoir est-ce que le Nigeria est où? Est-ce que le Nigeria ne comprend pas qu'il est en train de se faire encercler par la France? Est-ce que le Nigeria ne le comprend pas? Elle a posé cette question. C'est une question qui a marqué. Hein? Regardez ce qu'elle a pris l'exemple de l'Ukraine. Si la Russie agit, c'est par rapport à cet encerclement. Hein? Vous voyez, les présidents africains ont un retard, très grand retard. Les populations sont prêtes à soutenir les présidents africains, mais ça ne vaut pas la peine. Et surtout qu'ils ont tout leur avoir en Occident. La grande peur, c'est celle-là. Regardez ce que le président équato-guinéen a eu avec les biens mal acquis. Dès que tu lèves un peu la tête, on trouve un moyen. Tous sont en train d'investir en Europe. Ne investissent pas dans leur pays. Ils ont des consortiums, des paradis fiscaux partout là-bas en Europe. C'est ce qu'ils ont peur, c'est ce qui les fait peur. La perte de leur avoir, comme ils ont tous stocké en Occident. Ce n'est pas autre chose. Il faut que les Africains le comprennent. Les populations africaines doivent le comprendre. Pourquoi est-ce que les présidents n'agissent pas? Parce qu'ils ont tout là-bas. D'abord, ils ont des doubles nationalités. Hein? Ils sont français, ils sont africains, on ne sait même pas exactement à quelle nation ils appartiennent réellement. Bon, c'était mon intervention. Merci à vous, chers messieurs. Allez, on va rapidement prendre un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Akmedia, bonsoir tout le monde, bonsoir tous les Africains et les Afro-descendants qui luttent pour la libération africaine en tant que telle. Je bonsoir à toutes nos panélistes. Mais à ce moment, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre dans toutes les recoins du monde à ce moment. Parce que la moitié de la puissance de l'armée malienne, c'est une fierté pour tout Africain. Il faut que justement certains de nos chefs d'État puissent revoir la puissance de l'armée. Parce que tant que nous n'arriverons pas à contrôler notre espace aérien, l'Afrique ne sera jamais libre. Et que les Nigériens, que tous les pays au niveau de la CEDEAO puissent voir cette réalité, que les Nigériens ne se disent pas qu'il y a une puissance justement plus forte qui peut justement neutraliser, c'est-à-dire la situation dans son recoin. Il faut que les chefs d'État africains se donnent un vrai deal pour vraiment travailler ensemble, pour que la population africaine, pour le moment, je vous le jure, puisse égorger de ses fruits. Merci beaucoup Afrique Média, merci et bonne soirée. Agréable fin de soirée également à vous en compagnie des programmes de la télévision panafricaine. Allez, les standards, ils sont ouverts. Le temps de poser une dernière question à Issa Diawara concernant ce sujet. Alors, Issa Diawara, on observe de plus en plus une offensive diplomatique chinoise depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Est-ce que cette actualité s'inscrit, selon vous, dans l'agenda international du président chinois qui lui a décidé de faire quelque chose qu'on avait pu vu depuis longtemps? Vous l'avez dit, vous ne savez pas qu'on date un important don de matériel militaire venant de la Chine à un pays africain, et voilà que cela a été fait. Des dons de qualité, il faudra le rappeler. Alors, selon vous, quelle analyse est-ce que vous faites de ce don de matériel fait notamment par la Chine, je le disais tantôt, qui observait une offensive diplomatique depuis, bien sûr, l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir? Ok, merci beaucoup. D'abord, il y a une bataille qui se joue au niveau mondial, une bataille à laquelle l'Afrique n'échappe pas. C'est la première des analyses, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire quoi? J'essaie un peu de m'expliquer. La Chine aujourd'hui se positionne pour ainsi devenir leader mondial. Mais la Chine ne vient pas seul en tête à la tête de ce classement, il y a un consortium, il y avait un groupe d'États, bien sûr, au rang desquels ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire quoi? La Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui est bien sûr un pays africain. À cela, d'autres pays aussi sont en train de s'approcher, d'autres pays arrivent. Il y a plutôt un ensemble de nations qui comptent venir, bien sûr, à la tête de ce qu'on appelle ce rang mondial. Et maintenant, c'est quoi la place de l'Afrique dans ça? C'est que l'Afrique est un moteur du changement qui est en train d'être opéré. Beaucoup d'États africains essayent de ne pas manquer le rendez-vous. Et c'est là, surtout, que moi, j'interviens. Pour moi, l'Afrique ne doit pas rater ce rendez-vous parce qu'il y a une réelle bataille géopolitique aujourd'hui

que l'Occident va vous envoyer à partir d'une frontière, du Niger ou une autre frontière, ne puisse venir mettre l'armée, bien sûr, sur tout ce que vous aurez investi et une usine d'armement entre les mains de l'OBEN, ça serait dommage pour les autres pays d'Afrique. Si on veut des usines, le Mali en avait déjà, il y avait peut-être une usine d'armement dans la localité de Markala, mais c'est des armes légères. On pourra approfondir, ça peut s'étaler sur toute l'étendue du territoire malien, mais permettez que le Mali aujourd'hui se dote des moyens pouvant sécuriser en tout cas une telle réalisation et d'autres réalisations. Je vous remercie. Vague d'appels concernant ce sujet avant de passer à l'autre sujet concernant la sortie de Vladimir Poutine à l'occasion de la célébration de la fête nationale du 9 mai. Déjà un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Bonjour Céleste, vous me recevez? Allez-y, on vous écoute. Allô. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Bonjour aux techniciens, bonjour à Issa Diawara, bonjour aussi à l'autre qui était en ligne, et bonjour à l'Afrique. Courage à vous. Et la livraison des armes chinoises au Mali, il y a de quoi, parce que nous savons ce que Guterres est parti dire au Niger. Il a invité la communauté soi-disant internationale à venir et armer le Niger. Donc leur plan, ils ont leur plan. Alors, le Mali a bien compris. Et le Burkina dit qu'il n'y a plus de paix entre le Mali et le Burkina. C'est bien fait. Avec ces deux pays, je pense que l'affaire peut être faite. N'ayons pas peur. Vous voyez, n'ayons pas peur. Le Mali a le devoir de s'armer. Parce que La bataille décisive qui est en avant n'est pas une petite affaire. Nous disons à Bazoum de se méfier beaucoup. Ce n'est pas le fait d'avoir toutes ces armées autour de lui qui le sécurise. Il n'a qu'à se souvenir de ce qui s'est passé en Afghanistan avec les Américains. Ils ont fui. Nous sommes sur la terre africaine. La terre africaine est menacée depuis longtemps. L'Occident doit quitter le continent africain. La conscience se prépare et les gens se préparent effectivement à accepter cela et la population commence par comprendre. Donc, ces armées-là doivent partir, quitter le continent. Elles ont trop fait du mal au continent. Ne dormons pas, ne soyons pas pressés. L'ennemi, le plan de l'ennemi sera dévoilé. Et quand c'est dévoilé, ceux qui sont à la mesure vont aussi préparer leur riposte. Et nous allons voir. Donc moi je n'ai pas peur, courage à vous, courage aux Maliens, courage aux Burkinabés, n'hésitez pas, ne soyez pas freinés par n'importe quelle tromperie, promesse de l'Occident. L'Occident est l'ennemi, nous disons la France, maintenant la France a invité les autres pays à la joindre, alors l'Occident devient l'ennemi premier de l'Afrique. Nous devons comprendre, toutes ces relations-là, il faut les ignorer. Toutes les relations avec l'Occident, il faut les ignorer. Parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique se libère. Et c'est eux qui pillent l'Afrique, qui désorganisent l'Afrique. Alors, si la Chine a compris aujourd'hui et qu'il faut vraiment un partenariat sécurisé. Et c'est... Alors, des soucis de liaison avec Jean Sapolo qui certainement essaiera de revenir dans quelques instants. Le temps pour nous de prendre notre téléspectateur. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Je m'appelle volontaire à la mort. Voilà ce que j'ai à vous dire. D'abord, ces terroristes ont demandé aux Maliens de déposer les armes. Dites-leur que même si le Dieu descendait, qu'il leur dit d'aller violer des enfants, tuer des aveugles. Volontaire à la mort va encore nous appeler pour poursuivre donc jusqu'au bout. Les standards, ils sont ouverts. Vous pouvez nous appeler pour donner votre point de vue concernant ce don de matériel d'équipement militaire de Pékin à Bamako qui a donc choisi le camp de Kati à travers le ministre de la Défense pour pouvoir bien sûr équiper le Mali d'équipement militaire pour pouvoir véritablement